Deuxième partie, chapitre 1. Le lendemain à midi, Philippe, le valet de chambre du comte de Chambray, se décidait, après avoir hésité plusieurs fois, à éveiller son maître qui, rentré seulement à 5 heures, dormait du lourd sommeil des nuits prolongées. « Je demande pardon à monsieur le comte de le réveiller, » dit-il en toussant discrètement. « C'est une dépêche que j'ai reçue de mademoiselle de Chambray il y a déjà près de 2 heures. Elle demande une réponse, alors. » Brusquement, le comte se mit sur son séant et prit le papier bleu que Philippe lui présentait sur un plateau. « Tire les rideaux. » C'était rue de Rivoli, en face des Tuileries, presque au coin de la place de la Concorde, que demeurait le comte, à l'une des expositions les plus claires et les plus ensoleillées de Paris, assurément. Cependant, la nappe de lumière crue qui emplit la chambre ne lui permit pas de déchiffrer la dépêche qu'il tenait à bout de bras. Par coquetterie, il n'avait pas voulu se résigner encore aux lunettes ni aux pince-nez, et pour qu'il pût lire, certaines conditions d'éclairage lui étaient nécessaires qu'il ne trouvait pas dans son lit drapé de rideaux de satin rouge. « Lis toi-même, » dit-il en rendant la dépêche à Philippe. « Prévenez mon oncle que j'ai besoin de le voir aujourd'hui et que je le prie de venir à Chambray. S'il est déjà sorti au reçu de cette dépêche, portez-la lui. Une voiture l'attendra à la gare à partir de 2 heures. »« Que me lis-tu là ?»« Rien que ce qui est sur la dépêche. » Le comte sauta à bas du lit et courut à la fenêtre où il trouverait l'éclairage qu'il lui fallait. Mais s'il n'avait rien compris à la dépêche quand Philippe la lui avait lue, elle ne fut guère moins obscure quand il la lut lui-même. Que se passait-il donc à Chambray pour qu'elle l'appelât ainsi en toute hâte? Il n'y avait pas à hésiter, il fallait partir. « Commande-moi 2 œufs et une tasse de thé, » dit-il. Puis quand le valet de chambre fut sorti, il commença à s'habiller. « Et je m'imaginais que l'émancipation me rendrait ma liberté, » s'écria-t-il tout à coup. « Précisément, » toutes sortes d'affaires exigeaient que ce jour-là, il fût libre. À 2h30, il avait un rendez-vous au Tattersall pour aider un de ses amis à choisir un cheval. À 4h, il présidait une séance d'escrime. À 7h, il dînait au cabaret avec une petite femme charmante qui 20 fois avait refusé son invitation et capitulait enfin. Et voilà qu'il fallait changer tout cela. Et ce qui l'ennuyait le plus au monde, écrire un tas de lettres pour s'excuser. La visite au Tattersall, la séance d'escrime, passa encore. Mais le dîner, elle pourrait très bien se fâcher, la petite femme charmante, alors c'était une occasion perdue qu'il ne se retrouverait pas. À la hâte, il écrivit ses lettres, à la hâte aussi, il avala son déjeuner, et à 3 heures, il descendait de voiture devant le perron du château où Ghislaine l'attendait, seule. En la regardant, il fut surpris de l'étrangeté de son attitude, comme en écoutant les quelques paroles qu'elle lui adressa, il le fut des sons rauques de sa voix tremblante. Se serait-il passé quelque chose de plus grave que ce qu'il avait imaginé? Ce fut ce qu'il se demanda en la suivant dans son appartement. Aussitôt qu'ils furent entrés dans le petit salon qui précédait la chambre de Ghislaine, elle ferma la porte avec un soin qu'il ne put pas ne pas remarquer. De même, il remarqua aussi que malgré la chaleur, les fenêtres donnant sur le nord étaient closes. Il chercha les yeux de sa nièce pour l'interroger, mais il ne les rencontra pas. « Eh bien, mon enfant, que se passe-t-il » demanda-t-il à mi-voix, d'un ton affectueux et encourageant. Elle ne répondit pas. « Tu as besoin de moi? Me voilà, tout à ta disposition. » Elle se cacha le visage entre ses deux mains, et d'une voix brisée, à peine perceptible, elle murmura. « La chose la plus infâme, la plus monstrueuse !» L'émotion lui coupa la parole, et ce ne furent que des sons inintelligibles pour monsieur de Chambray qu'elle prononça. Puis, brusquement, elle s'arrêta et fondit en larmes. Il comprit que ce qu'il avait imaginé était à côté de la vérité, terrible à coup sûr, mais sans pouvoir la deviner, sans oser même l'envisager hardiment. Pourtant, il fallait venir en aide à la pauvre enfant, et par de bonnes paroles, la pousser, la forcer. « Ma chère enfant, ma petite fille, si tu avais encore ton père, ce qui t'oppresse, tu le lui confierais, n'est-ce pas? Il est vrai que je n'ai pas été tout à fait un père pour toi, mais je t'assure que j'en ai l'affection, la tendresse, l'indulgence. Parle-moi donc, comme s'il t'écoutait. » Il s'était approché d'elle et l'avait prise dans ses bras. Elle s'appuya contre lui, la tête basse, et y sentit qu'un tremblement la secouait. Il attendit un moment, car s'il fallait l'encourager, c'était sans la brusquer. « Je n'ose pas, murmura-t-elle, je ne peux pas. » Puis baissa encore la voix. « Vous souvenez-vous de ce que vous m'avez dit à propos de mon goût pour la musique ?» Un éclair le frappa. « Ni ses tasses ! » s'écria-t-il. « Oui. » Tous deux en même temps s'arrêtèrent et un silence s'établit. Monsieur de Chambray se refusait à aller jusqu'où ce qu'il voyait du désespoir de Ghislaine le poussait. Et Ghislaine hésitait, reculait devant ce qui lui restait à dire. Il sentit qu'il devait l'aider et lui tendre une main qu'il entraîna et la soutint en même temps. « Tu vois que j'avais raison de me défier de ce Nicétas et de te recommander la réserve avec lui. Croyez, mon oncle, que je me suis toujours enfermée dans cette réserve. » Ce fut un soulagement pour Monsieur de Chambray. Il avait foi dans la parole de Ghislaine, et ce qu'elle disait, il savait qu'il pouvait le croire. S'il ne s'était pas laissé prendre au regard passionné de ce musicien, rien de bien grave n'était à craindre, semblait-il. Sans doute il s'agissait de quelques déclarations ridicules dont elle s'était exagéré la portée. Il n'y avait qu'à congédier le drôle, et cela serait facile. « Alors parle, tu comprends qu'il faut tout me dire, si pénible que cela puisse être. » « Que dites-vous ? Tu n'avais donc jamais encouragé Nicétas ? Oh, jamais ! Je n'avais même jamais admis la pensée qu'il pût prendre mon attitude avec lui pour un encouragement. À la vérité, il était quelquefois étrange. Souvent, il me regardait d'une façon gênante. Il tenait des discours incohérents. Mais je m'expliquais tout cela par la bizarrerie de son caractère. Comment supposer ? Évidemment. Les choses en étaient là. Je me proposais même d'observer avec lui une plus grande réserve encore, comme vous me l'aviez recommandé, quand vendredi Lady Cappadoce l'a retenue à dîner. Et pourquoi ? Il y avait eu de l'orage, elle craignait qu'il ne fût mouillé en retournant à la gare. Enfin, elle a pour lui, vous le savez, beaucoup de sympathie. Pendant le dîner, il s'était montré ce que je l'avais toujours vu, ni plus ni moins étrange. En nous levant de table, Lady Cappadoce et moi nous fîmes une promenade dans le parc, la pluie ayant cessé. Et lui partit pour la station, au moins je crus qu'il partait. Mais en rentrant après notre promenade, je le trouvai dans ma chambre. Sans doute il était entré par une fenêtre ouverte et il s'était caché derrière un rideau, d'où il sortit quand je fus seule. Mon premier mouvement fut de me jeter sur la sonnette, mais il s'était placé entre elle et moi. Je pensai aussi à appeler, à crier, mais la peur du scandale me retint, la honte d'avoir à rougir devant les domestiques. Et avant d'en venir là, je voulus essayer de me défendre seule. « Bien, ma fille. Dois-je vous répéter ce qu'il me dit ? Non, seulement ce qu'il est indispensable que je sache. » Il commença par me dire qu'il fallait qu'il me parlât, qu'il y allait de sa vie. Je lui répondis que je n'avais rien à entendre, que je l'écouterais le lendemain, qu'il devait partir. Mais il ne partit point, et alors il se jeta à genoux. « Je comprends. Passe. » Je voulus sortir moi-même. Il se plaça devant la porte. Je recommençai à le presser de partir et il répondit qu'il m'obéirait si je voulais prendre l'engagement que je serais pour lui après cet aveu ce que j'étais avant. Je refusai et comme il s'obstinait à rester, à parler, je le menaçai d'appeler à l'aide. À mon accent, il comprit que j'étais décidée à tout plutôt qu'à supporter ses outrages une minute de plus. Il enjamba la fenêtre en me priant de me souvenir qu'il m'avait obéi. Et depuis, il m'était impossible de le retrouver en face de moi. Sans confesser la vérité à Lady Cappadoce, je la priai de lui écrire pour le prévenir que les leçons étaient interrompues, puis, pour ne pas être exposée à ce qu'il revint dans ma chambre comme la première fois, je recommandai qu'on tînt toutes les fenêtres de mon appartement fermées avant le dîner. Je me croyais en sûreté. Hier soir, elle s'arrêta et sa voix qui s'était raffermie s'altéra au point d'être à peine intelligible. Hier soir, je rentrais chez moi, accompagné de Jeanne. Toutes les fenêtres étaient fermées et rien ne se présentait d'inquiétant. Rassurée, je permis à Jeanne d'aller passer une heure chez sa mère, mais en lui ordonnant de fermer la porte de sa chambre et d'en emporter la clé. La mienne était verrouillée. Au bout d'un certain temps, je passai dans le cabinet de toilette et au moment où je posai ma bougie sur la console... Il était là ? Il me saisit dans son bras et me ferma la bouche d'une main. Je voulus appeler, me débattre, me dégager. La force me manqua. Quand je revins à moi, il n'était plus là. Une fenêtre de ma chambre était entr'ouverte. Chapitre 2. Elle s'était enfoncé la tête dans la poitrine de son oncle et pleuré, haletante. Et lui la tenait sans trouver un mot à dire, bouleversée par la douleur et aussi frémissant d'indignation. « Ma pauvre enfant » murmurait-il, « ma pauvre enfant !» Puis, s'interrompant dans sa tendre compassion, il se laissait aller au mouvement de fureur qui le soulevait. « Le misérable !» L'horreur de la réalité dépassait ce qu'il avait osé craindre, et devant le désespoir de cet enfant qui lui inspirait une tendresse dont pour la première fois il sentait toute l'étendue, il restait anéanti. Cependant, il fallait qu'il lui parlât. Il fallait qu'elle comprît qu'elle pouvait se réfugier en lui, car si quelque chose devait la relever et la soutenir, c'était à coup sûr la certitude qu'elle ne serait pas abandonnée. « Ainsi, dit-il d'un ton qu'il aurait pris pour parler à un petit enfant, ta première pensée a été de m'envoyer cette dépêche. N'êtes-vous pas tout pour moi ? Oui, mon enfant, ton cœur ne t'a pas trompé. Je suis à toi, entièrement à toi, et désormais je veux que nous vivions comme père et fille. J'ai eu tort de penser que tu étais assez grande pour n'avoir plus besoin de moi, et ma part de responsabilité est lourde dans ce malheur. » Si j'avais été ce que je devais être, si j'étais restée près de toi, je t'aurais protégée. Ma présence seule eût empêché ce qui est arrivé. Tout d'abord, elle n'avait pas compris, mais peu à peu la lumière se faisait. « Oh, mon oncle » murmura-t-elle. « L'oncle fait place au père. Oncle, je l'étais quand je t'ai donné les 10 Cappadoce, et je l'étais aussi quand j'ai provoqué ton émancipation. Père, je le suis, en te disant que je ne te quitterai plus jusqu'au jour... » Il allait dire de ton mariage, mais ce mot prononcé en ce moment ne pouvait qu'éveiller des douleurs et des hontes nouvelles. Il le retint à temps. « Que je ne te quitterai plus jusqu'au jour où tu ne voudras plus de moi. » Elle releva la tête et le regarda avec une émotion qui disait combien profondément elle était touchée. « Pour aujourd'hui, reprit-il, tu me fais préparer mon appartement ici, celui que je suis venu occuper quand tu es resté seule. Qui aurait prévu alors que je pourrais être plus malheureuse un jour que je ne l'étais en ce moment ?» N'ayant rien à répondre à ce cri désespéré, il continua pour qu'elle fût obligée de le suivre. « Il importe que personne ne puisse remarquer que tu n'es pas dans ton état normal. Et si tu étais forcée de te contraindre, si tu devais amener un sourire sur tes lèvres quand tu aurais des yeux pleins de larmes, ce serait un supplice que je veux t'épargner. Nous partirons donc demain ou après-demain en voyage, pour aller droit devant nous. Et bien entendu, nous laisserons Lady Cappadoce au château, n'emmenant que Philippe, qui est aussi incapable de voir ce qu'on ne lui montre pas que s'il était aveugle. » Il s'arrêta quelques secondes, car ce qu'il avait à dire était si délicat, si difficile, qu'il ne savait comment l'aborder. Cette nuit n'avait pas fait que Ghislaine ne fût encore l'innocente et pure jeune fille qu'elle était la veille, et il fallait qu'il parlât sans que cette innocence fût effleurée. « Il se peut, continua-t-il, que nous soyons empêchés de revenir à Chambray avant plusieurs mois, un an peut-être. Sans doute il est à espérer que cette crainte ne se réalisera pas, et même les probabilités sont pour la non-réalisation. Mais il faut la prévoir, et dans ce cas nous irions à l'étranger, quelque part où nous aurions la certitude de n'être pas connus, et nous attendrions. » Comme il sentit la main qu'il tenait dans la sienne se mouiller de sueur, il poursuivit. « Si en ce moment je parle de cette menace, qui, je le répète, est en dehors de la probabilité, c'est pour que dès maintenant tu aies la certitude que, quoi qu'il arrive, ce terrible secret restera entre nous, que ce qui s'est passé cette nuit et ce qui peut en résulter ne sera connu de personne. Enfin que pour te défendre, te sauver, compatir à ton malheur, te plaindre ou te soutenir, tu auras une affection, une tendresse paternelle. » Elle se jeta dans les bras de son oncle, mais sans trouver une parole étouffée par les larmes. « À deux, nous serons plus forts, » dit-il doucement. « Et si pendant le temps qu'il nous reste à passer ici, tu peux t'observer, j'arrangerai les choses pour que notre départ paraisse à tous la chose la plus naturelle du monde. Lady Cappadoce sait-elle que tu m'as envoyé une dépêche ? Je ne crois pas. Dans le cas où elle le saurait, est-il possible que cette dépêche soit une réponse à une lettre que tu aurais reçue de moi ? Sans doute. Eh bien, il en sera ainsi. Notre voyage n'aura pas été arrangé aujourd'hui. Je te l'aurais proposé il y a plusieurs jours, ce qui a son importance, tu le comprends. Aujourd'hui, je ne serai venu que pour nous entendre définitivement. C'est ainsi que tout de suite je vais présenter les choses à Lady Cappadoce. Toi, pendant ce temps, fais atteler une voiture qui me conduira à Paris. Vous voulez... Ne t'imagine pas, pauvre petite, que je veuille revenir sur ce que j'ai dit. Je suis à toi entièrement. Si je vais à Paris, c'est pour toi. Je dois voir ce misérable. Elle eut un frémissement. C'est de ton honneur qu'il s'agit. C'est de l'honneur de notre nom. Aie confiance en moi. Elle releva la tête et lui tendant la main. Toute confiance, mon oncle. Si tu ne veux pas rester ici, exposé aux questions de Lady Cappadoce et à sa curiosité, viens avec moi à Paris. Tu m'attendras à l'hôtel tandis que je serai chez lui, et nous rentrerons ce soir ensemble. À la veille d'un départ, il est tout naturel qu'on ait des courses à faire dans les magasins. Ce sera ton explication. Pendant que le comte annonçait son voyage à Lady Cappadoce, si ébahie qu'on ne l'emmena point, qu'elle ne trouvait pas un mot à répondre, Ghislaine, devant une glace, se baignait le visage, tâchant d'effacer les traces de ses larmes. Quand M. de Chambray la fit appeler, elle était prête à partir. En chemin, pour la distraire, il voulut discuter leur plan de voyage. Où désirait-elle aller? Mais elle n'avait aucun désir, bien qu'elle ne fût pas plus blasée sur les voyages que sur les autres plaisirs qui avaient été réservés pour ses premières années de mariage. Si l'été leur interdisait l'Espagne et l'Italie, il leur restait les pays du Nord, la Hollande, la Norvège. Le Danemark ne l'attendait pas plus que la Hollande, et la Norvège pas plus que le Danemark. Pourquoi ne pas rester en France, dans un village au milieu des bois ou au bord de la mer? À quoi bon parcourir des pays plus ou moins curieux qu'elle verrait mal? Mais elle n'eut pas plutôt fait cette réponse qu'elle en comprit l'égoïsme, et tout de suite elle s'en excusa, en priant son oncle de choisir lui-même le pays qu'il aurait plaisir à voir ou à revoir, et ce fut sur la Hollande que décidément tomba ce choix. Cette discussion eut cela de bon qu'elle occupa la route. Obligée de suivre son oncle, obligée de lui répondre, Ghislaine se calma. La honte de la confession commençait à perdre de son intensité première, en même temps que l'horreur de sa situation s'atténuait dans la tendresse qu'elle rencontrait. Certes, elle avait compté sur cette tendresse, et c'était cette confiance qui lui avait donné la force de l'appeler à son aide. Mais comment eût-elle imaginé que son oncle, dont elle connaissait les idées et les habitudes d'indépendance, allait sacrifier ses idées et ses habitudes pour se donner à elle avec ce dévouement? L'émotion qu'elle éprouvait à se sentir ainsi soutenue lui desserrait le cœur. En arrivant à Paris, M. de Chambray la laissa à l'hôtel. « Tâche de n'être pas trop impatiente, ma mignonne. Tu comprends que je peux ne pas le rencontrer chez lui. Peut-être faudra-t-il que je revienne à une heure où il y a chance de le trouver. » Il avait envoyé chercher une voiture de place. Il se fit conduire, rue de Savoie, où demeurait Nicétas. À sa demande, la concierge répondit que justement, M. Nicétas était chez lui. « Au cinquième, la porte est à gauche, au fond du corridor. » Ces cinq étages, le comte les monta lentement. Pour les mêmes raisons qu'il lui avait fait laisser sa canne dans son fiacre, il s'arrêtait à chaque palier. Il fallait qu'il se calmât et ne se laissât pas entraîner par la colère indignée qui le poussait. C'était de sang-froid, avec dignité, qu'il devait aborder cet entretien et le conduire à sa fin. Au dernier palier, il fit une longue pause, car malgré tout ce qui s'était dit et se répétait, il ne se sentait pas maître de ses nerfs. La nature, pas plus que l'éducation, n'avait fait de lui un de ces hommes apathiques qui supportent les coups du sort en tendant le dos et préparent leur joue droite quand ils ont reçu un soufflet sur la gauche. En lui donnant la taille et la carrure d'un cuirassier, les muscles d'un gymnaste, les capacités et les exigences stomacales d'un gentilhomme campagnard, grand mangeur, grand buveur, grand chasseur, grand marcheur, également fort dans tous les sports, la nature ne l'avait pas prédisposé à la retenue ou à la timidité. Ordinairement, il allait droit devant lui, fièrement, crânement, la tête haute et le nez au vent, ne subissant d'autres règles que celles de sa fantaisie, d'autres lois que celles des convenances ou de sa conscience. Aussi lui en coûtait-il, dans ces circonstances, de ne pas entrer simplement chez ce misérable pour lui casser les reins et lui tordre le cou comme il le méritait. Ce qu'il eût fait sans le moindre scrupule, si l'honneur de cette pauvre petite n'eût été en jeu. Et c'était cette lutte même, contre l'impulsion de son caractère, qui le rendait hésitant. Comment se contiendrait-il lorsqu'il aurait ce lâche gredin devant lui? Une femme qui entr'ouvrit une des portes donnant sur le palier, elle examina avec la curiosité d'une commère, à l'affût de ce qui se passe chez ses voisins, le décida. Sachant qu'on pouvait l'écouter, il serait plus maître de soi. Il suivit le corridor. Au bout se trouvait la porte que lui avait indiquée la concierge, la clé dans la serrure. Il frappa. On ne répondit pas. Il frappa plus fort. « Entrez !» dit la voix de Nicétas, du ton bourru d'un homme mécontent qu'on le dérange. Sous la main impatiente et nerveuse de M. de Chambray, la clé accrocha dans la serrure, mais cependant la porte s'ouvrit. Nicétas, qui était assis à une table, écrivant, tourna la tête d'un mouvement impatienté. Mais en reconnaissant M. de Chambray, il se leva violemment. « Monsieur de Chambre !» Le comte leva sa main puissante et d'un geste énergique lui ferma la bouche si violemment que le nom fut coupé. « Ne prononcez pas de nom !» De sa main levée, il montra la porte et les quatre murs. « Personne ne doit entendre ce qui va se dire entre nous. Parlons bas. » Chapitre 3. La pièce dans laquelle Monsieur de Chambray se trouvait était plutôt un atelier de peintre qu'une chambre. Aménagée dans les greniers de cette vieille maison, elle recevait le jour par un châssis ouvert dans le rampant du toit, et ses dimensions, comme la hauteur de son plafond, n'avaient rien des petits logements qu'on rencontre ordinairement à ces hauteurs. Mais par où elle se rapprochait de ces logements, c'était par la pauvreté de son ameublement, consistant en trois chaises de paille et une table de bois noirci. Deux lits, on n'en voyait point. Mais un paravent, recouvert de papier peint, développé dans un angle, pouvait le cacher derrière ses feuilles. Au mur, en belle place, était accroché dans un cadre, dont la dorure tirait l'œil, une gravure représentant un militaire en grand uniforme, le fameux portrait qui avait si fort provoqué l'étonnement de Soupère et la sympathie de Lady Cappadoce. « Nous sommes seuls ?» demanda le comte en montrant ce paravent. « Oui, monsieur. » « Le cri qui vous a échappé en me voyant entrer est l'aveu que vous savez ce qui m'amène. » Nicétas était resté dans l'attitude polie de l'homme qui reçoit un personnage important. Il se redressa et prenant une physionomie de défense, « Je suis à votre disposition, monsieur. » Le comte fit brusquement un pas en avant, le poing crispé, mais il se retint et attendit un moment pour se donner le temps de retrouver un peu de son sang-froid. « À ma disposition ?» dit-il enfin les dents serrées en sifflant ses paroles. « Ah, vraiment, à ma disposition, vous !» Et il le regarda de si haut, avec tant de dignité, que Nicétas baissa les yeux. « Vous imaginez-vous que je viens vous demander de me faire l'honneur de vous battre avec moi ?»« Vous venez me demander quelque chose, au moins, puisque vous êtes ici. » Il avait relevé la tête, regardant le comte en face d'un air de défi. De nouveau, M. de Chambray prit un temps assez long avant de répondre, et au lieu de répliquer à cette insolence, il continua. « Nous battre, n'est-ce pas? La belle affaire !» Le comte de Chambray contre Nicétas, le musicien. M. de Chambray haussa les épaules avec une pitié méprisante. « Décidément, vous êtes un sot !»« Monsieur le comte, quel autre qu'un sot peut s'imaginer qu'un duel est possible entre vous et moi? Comprenez donc qu'il ne s'agit ni... » Il baissa la voix. « De moi, ni de M. Nicétas, le musicien, mais uniquement de votre victime. Que nous allions sur le terrain, que je vous tue, n'est-ce pas le plus sûr moyen de la déshonorer? Si je pouvais vous tuer, ce ne serait pas dans un duel. Ce serait en vous tordant le cou comme vous le méritez. » Cela fut dit avec une fierté si haute que Nicétas, malgré son assurance, ne soutint pas le regard terrible que le comte lui avait asséné. On se bat entre honnêtes gens. On ne se bat pas contre l'homme que vous êtes. Alors que voulez-vous? Je vais vous le dire, mais avant cessez de me regarder avec cet air menaçant. Vous devez bien voir qu'on ne m'intimide pas, pas plus qu'on ne me met dehors. Il était devant la porte à laquelle il tournait le dos. Sur sa large poitrine, il croisa ses deux bras puissants, les poings fermés. Ce que je veux de vous, mettre ma nièce à l'abri de vos poursuites, en vous prévenant que si vous faisiez une tentative pour la voir et pénétrer dans le château, on vous tuerait comme un chien. À partir d'aujourd'hui, je ne la quitte plus, et je donne des ordres pour qu'on vous tire dessus. Nicétas secoua la tête en homme qui ne se laisse pas intimider. « C'est une menace, » continua M. de Chambray, « et c'est sur elle que je compte pour vous tenir à distance, n'étant pas assez simple pour faire appel à un autre ordre de sentiment. Peut-être avez-vous tort, monsieur, d'abord parce qu'une menace de mort n'est efficace que sur ceux qui ont peur de la mort, et ce n'est point mon cas. Ensuite, parce que j'aurais pu écouter cet appel à d'autres sentiments. Vous voulez de l'argent, vous ?» Nicétas blêmit. Son visage prit une expression de sauvagerie féroce. Il ne regardait plus à travers les mèches de ses cheveux tortillés qu'il avait franchement rejetés en arrière. Dans sa face contractée, ses yeux noirs lançaient des flammes. « Vous ne savez pas à qui vous parlez » s'écria-t-il. « À qui ?» Nicétas leva la main vers le portrait, mais tout de suite, violemment, il la rabaissa. « À un misérable » dit-il. « Oui, monsieur, à un misérable, mais qui ne veut pas d'argent. » Vous ne voyez en moi qu'un lâche, et vous entrez ici la menace à la bouche, plein de mépris, plein de fureur. Que vous ne méritez pas ? Que je mérite, cela est vrai. Mais enfin, à ma faute. Votre faute ? À mon crime, il y a une explication et une excuse. Une excuse au crime le plus lâche ? L'amour. J'aime, mademoiselle de Chambre. Je vous ai dit de ne prononcer aucun nom. J'aime celle pour laquelle vous êtes ici. Et c'est cet amour, cette passion qui m'a entraînée. Est-ce ma faute si cet amour s'est emparé de moi, m'a pris tout entier et m'a rendu fou? Croyez-vous qu'on puisse laisser vivre côte à côte une jeune fille et un jeune homme sans qu'il en résulte autre chose qu'un échange de politesse banale? Croyez-vous qu'ils peuvent exécuter les morceaux les plus passionnés de la musique, rien qu'avec leurs doigts mécaniquement, sans que la tête et le cœur se prennent? Peut-être est-ce possible pour certaines natures, cela ne l'a point été pour moi. Peu à peu l'amour s'est glissé dans mon cœur, en voyant mademoiselle de... En la voyant si charmante, en découvrant chaque jour une séduction nouvelle, cette passion a grandi, et il est venu un moment où je n'ai pas pu la taire. Je suis entrée chez elle pour lui dire cet amour que j'aurais maintenu aussi soumis, aussi respectueux qu'elle l'aurait exigé. Elle n'a pas voulu m'écouter. Elle n'a pas voulu me comprendre. Elle m'a demandé de partir. Je lui ai obéi. Si j'avais été l'homme que vous croyez, serais-je parti alors? Nous étions seuls, portes et fenêtres closes. Je n'avais qu'à la prendre, et cependant je ne l'ai pas prise. Par grandeur d'âme, par honnêteté, par délicatesse, non, par calcul. Vous avez cru qu'oubliant cet outrage, elle vous admettrait près d'elle comme par le passé, et qu'un jour, se laissant toucher par cet amour respectueux et soumis, elle se donnerait. Je n'ai point fait de calcul. Et moi je vous dis que vous en avez fait un, puisque vous lui avez proposé un marché. Élève de sous-père, vous vous êtes souvenu que votre maître s'était fait aimer d'une jeune fille de notre monde, et vous vous êtes demandé pourquoi il n'en serait pas de vous comme de lui. Il l'avait bien forcé au mariage. Pourquoi n'arriveriez-vous pas au même résultat? L'affaire était bonne. Malheureusement pour vous, votre calcul était faux. Vous ne vous étiez pas fait aimer. Et maintenant, vous vous êtes fait mépriser et haïr si profondément que la malheureuse se jetterait plutôt dans les bras de la mort que dans les vôtres. Que vous dirais-je? Vous me croyez capable de toutes les bassesses. Je n'ai pas à me défendre. Et cependant, si je voulais... Je vous prouverai que toutes ces explications que vous entassez pour m'en accabler ne reposent sur rien. Si vous vouliez, mais vous ne voulez pas. À quoi bon? Et pourtant... Brusquement, il alla à la table où il était assis quand M. de Chambray était entré, et prenant une lettre, il la tendit ouverte au comte. « Lisez cette lettre, dit-il. Je l'écrivais à Mademoiselle de Chambray, et puisque je ne vous attendais pas, mon cri de surprise en vous voyant vous l'approuver, vous ne pourrez pas supposer que je l'avais écrite par calcul, pour ma défense, et vous verrez si d'avance elle ne répondait pas à vos accusations. « Et que m'importe votre lettre ? » répondit le comte dédaigneusement, sans avancer la main. Mais il n'eut pas plutôt dit ces quelques mots qu'une réflexion le fit revenir sur ce premier mouvement de mépris. Déjà Nicétas avait reposé la lettre sur la table. « Donnez ! » dit le comte. Se plaçant sous le châssis, d'où la lumière tombait vive et crue, il lut. Voudrez-vous lire cette lettre? Aurez-vous le courage de la lire? Pourtant, il faudrait que vous sachiez. À vous aussi, il a manqué une mère, un père. Mais en grandissant, vous avez compris que vous aviez la fortune, la considération, l'honneur, le nom, rien à mendier. Pas d'indignation à dompter. pas de situation à conquérir. La vie toute faite, un peu vide d'affection sans doute, cependant aimable, brillante, solide, forte à jamais, et pouvant s'emplir de joie et d'amour. Il s'agissait pour vous de laisser couler les jours, doucement, sans rien brusquer, et le bonheur était là, tout prêt à vous attendre, à vous guetter. Pour moi, si je n'ai eu ni parents ni soutien dans mon enfance, en grandissant, j'ai vu s'assombrir mon ciel déjà chargé. Il fallait faire ma place. Comment ? Qu'est-ce qui aide les abandonnés, les solitaires, les pauvres ? Et je n'étais pas humble, et j'ai toujours repoussé les platitudes avec dégoût, et je sentais dans mes artères la chaleur d'un sang de sauvage. Alors j'ai considéré la vie comme une bataille, bataille contre le destin le plus injuste, le plus inégal qui soit. J'ai donc combattu en vindicatif que je suis, à coups d'épaule, à coups de poing. C'est une habitude que j'ai prise, d'autant plus facilement qu'elle s'accordait avec mon tempérament, et je n'ai jamais pu l'abandonner. J'en ai été l'esclave, même dans l'amour. Je vous aimais, et je m'imaginais que je pouvais être heureux par cet amour. Mais c'était une nouvelle lutte, puisque c'était vous que j'aimais. Cependant, j'en avais assez de cogner en sourd, sans jamais rien recueillir de bon. Et il fallait cette fois que ma rage contre le sort, qui m'a toujours soutenu quand j'ai voulu tenter quelque chose, me conduisit à une résolution qui devint ma force. Les circonstances ont encore dominé ma volonté, et c'est brutalement, c'est par surprise que je vous ai avoué mon amour, entraîné, poussé malgré moi. Ah, pourquoi m'avoir repoussé ? Pourquoi n'avoir pas permis que je vous revoie ? Il ne fallait que cela pourtant, vous voir, vivre près de vous. Vous aimez respectueusement, pour que je sois celui que je voulais être. Repoussé, chassé, votre porte fermée, séparé de vous pour toujours, c'était une nouvelle lutte, plus décisive et plus grave que toutes les autres. Je n'ai pas reculé, je l'ai engagé. Oui, j'ai été indigne, oui, j'ai été criminel, et envers une femme idolâtrée. Mais je sentais que sans violence, vous m'échappiez, et que vous n'aviez même pas pour moi sympathie ou pitié. Maintenant, cette pitié, qui serait ma gloire, la ressentirez-vous jamais ? Au moins, croyez-le, je ne suis ni vil ni lâche. J'aime, et je demande seulement que vous me laissiez aimer. Oubliez, je ne serai plus pour vous que ce que vous voudrez que je sois. Laissez-moi revenir, reprendre notre existence d'hier, et je serai heureux. Je n'aurai pas d'exigence. Les remords ont étouffé la révolte, et c'est un malheureux repentant soumis qui se traîne à vos pieds pour implorer votre pardon. « Vous alliez envoyer cette lettre ?» demanda M. de Chambray. « Ce soir même. Je la prends. » Nicetas s'hésita un moment, pendant que M. de Chambray, la pliant, la mettait dans sa poche. « La lira-t-elle » demanda-t-il. « Allez-vous aussi à moi proposer un marché ? Je n'ai qu'une réponse à vous faire. C'est vous répéter ce que je vous ai dit. Une nouvelle tentative, et l'on vous tire dessus. Vous avouez que vous êtes un sauvage. C'est en sauvage que vous serez traité. » Chapitre 4. C'était sur les distractions du voyage, le mouvement, la fatigue, que M. de Chambray avait compté pour occuper Ghislaine. Mais ce qui, plus que ces distractions, plus que le mouvement, le changement, le nouveau, la fatigue, occupa Ghislaine et l'arracha à elle-même, ce fut la tendresse qu'elle trouva chez son oncle. Depuis qu'elle était orpheline, il s'était montré le meilleur des parents, assurément. Bon, prévenant, indulgent, affectueux, mais avec l'acuité de sentiment d'un cœur inquiet qui exige tout précisément parce qu'il n'a rien. Elle avait très bien démêlé qu'il ne se donnait pas entièrement comme elle l'aurait voulu. Qu'il vint déjeuner à Chambray, comme il lui en faisait la fête assez souvent, il n'oubliait jamais l'heure du départ. Toujours, il avait les meilleures raisons pour rentrer à Paris. Des rendez-vous pris, on l'attendait, une affaire importante. La prochaine fois, il s'arrangerait pour rester plus longtemps, mais cette prochaine fois n'arrivait jamais. Malgré son affectueuse bonté, il était oncle, comme elle n'était pour lui qu'une nièce et non une fille. Mais fille, elle était devenue le jour où ils avaient quitté Paris pour Bruges, et dans la douceur de se sentir enveloppée d'une tendresse qu'elle avait si longtemps appelée sans la trouver telle qu'elle l'imaginait, son angoisse nerveuse s'était fondue. Elle n'avait point douté de lui quand il avait dit que l'oncle désormais ferait place au père. Mais ce n'était que des paroles qui n'avaient qu'un sens vague pour son cœur bouleversé, tandis que maintenant ces paroles étaient réalité. Jusqu'à ce moment, la vie de M. de Chambray s'était partagée en deux parts inégales, l'une tout au plaisir, l'autre tout au devoir. Pendant les 13 années qu'il avait données à sa mère aveugle, l'accompagnant partout, ne la quittant pas du matin au soir, lui faisant la lecture, l'entretenant, la distrayant, l'occupant, il avait pris des habitudes de sollicitude, de prévenance, de petits soins, qui lui étaient instantanément revenus auprès de Ghislaine. Dans ce rôle, l'homme de plaisir eût été mal placé, mais l'homme de devoir fut tout de suite à son aise, et il n'eut qu'à se souvenir. Cependant, ce ne fut pas sans un sentiment de regret qu'il quitta Paris, et quand, dans la gare du Nord, se promenant devant le coupé qu'il avait fait retenir, il se demanda quand il reviendrait. Il eut un mouvement de contrariété et de mélancolie. Il ne ferait donc jamais ce qu'il voudrait. Toute sa vie, il serait esclave, et quand la liberté lui serait rendue, si jamais elle l'était, la vieillesse l'empêcherait d'en profiter. Mais ce souci personnel ne tint pas contre le regard inquiet de Ghislaine. Ce n'était pas à lui de l'attrister. Aussitôt, il monta près d'elle et ne s'occupa plus que de l'installer avec les attentions et les précautions d'un habitué des voyages. « Sais-tu, mignonne, dit-il, que notre excursion va être un plaisir pour moi ?»« Vraiment, vous êtes trop bon, mon cher oncle. »« Mais pas du tout. Ce que je te dis est sincère. C'est la première fois que tu sors de Paris. Tu vas ouvrir des yeux grands comme ça, et je vais jouir de tes étonnements. Je t'en prie, ne sois pas correct. Et si tu veux redevenir enfant, laisse-toi aller. Surtout, questionne-moi. Je ne suis pas bien savant, et quand nous serons devant les chefs-d'œuvre des peintres flamands et hollandais, il ne faudra pas me demander des dates, mais je peux encore ciceronner. Tu me diras ce que tu penses, ce que tu sens, et ce me sera une joie de voir tes idées s'éveiller. Quoi de plus charmant qu'une aurore ?» Il s'arrêta, car plus d'une fois pour expliquer et justifier la vie sévère imposée à la jeunesse de Ghislaine, il lui avait dit que cette sévérité tenait à de certains scrupules. Il voulait réserver à un mari aimé la joie de lui montrer le monde. Comment évoquer un pareil souvenir en ce moment ? Comment faire allusion à un mari ou un mariage ? Ce mariage, c'était celui qu'elle avait accepté si franchement. Ce mari, c'était le comte d'Unières. Tout ce qui pourrait les évoquer serait une blessure. Qui pouvait savoir le chemin qu'en quelques jours ce projet avait fait dans cette imagination et dans ce cœur de jeune fille ? Pour combien l'anéantissement de l'avenir qu'elle s'était bâti entrait-il dans son désespoir ? Car pour elle, ce mariage qu'elle désirait était rompu, et ce mari qu'elle aimait déjà peut-être était perdu. Tout ce qu'il aurait pu dire à ce sujet eût été aussi inutile que dangereux. Si ce projet pouvait être jamais repris, ce qu'il ignorait lui-même, ce ne serait que plus tard. Pour le moment, le silence seul convenait à cette situation, et c'était dans un silence absolu qu'il devait se renfermer en attendant. Le train filait. À droite se découpaient, sur le bleu du ciel, les hautes cheminées et les combles du château des Couans. À gauche, c'était Chantilly, ses étangs, sa forêt et son château. Les sujets de causerie s'enchaînaient, et Ghislaine n'avait le temps ni de revenir en arrière, ni de réfléchir. Elle l'eut bien moins encore à Bruges, à Ostende où pour la première fois elle vit la mer, à Anvers où les Rubens de la cathédrale et les Metsys du musée ouvrirent à son esprit tout un monde nouveau. Le voyage se continua lentement. Aux rives vertes de l'Escaut succédèrent celles non moins vertes et non moins douces de la Meuse, aux éblouissements des Rubens, les révélations des Rembrandt de La Haye et d'Amsterdam. Chaque soir, M. de Chambray, en faisant l'examen de la journée écoulée, s'applaudissait d'avoir eu cette idée de voyager, car chaque soir il la trouvait plus calme que la veille, plus reposée. Évidemment, la distraction et la fatigue opéraient sans qu'elle en eût conscience. Ce n'était pas seulement une distance matérielle qui l'éloignait de Chambray, c'était encore une distance morale. L'angoisse des premiers moments s'affaiblissait. À la vérité, lorsqu'elle venait le matin se mettre à sa disposition pour partir en excursion, il remarquait en elle bien souvent, sur son visage ou dans son attitude, des traces évidentes de trouble. des plis au front et aux lèvres, des contractions aux paupières, une profondeur de regard qui disait que son sommeil avait été agité. Mais il lui semblait que ses plis étaient maintenant moins profonds qu'en quittant Paris. Et comme pendant la journée il s'effaçait peu à peu, il se disait que bientôt il disparaîtrait entièrement si des complications ne se présentaient pas. C'était un grand point obtenu que cette amélioration continue, et telle qu'on pouvait espérer la guérison dans un délai donné. Mais il y en avait un autre plus grave qui restait et devait rester douteux pour quelques semaines encore. Père, il avait pu le devenir. Mère, il ne le pouvait pas. Et il y avait certaines questions qu'une mère seule aurait su adresser à cette jeune fille. Condamné au silence, il en était réduit à l'observer pour tâcher de deviner ce qui était impossible à demander. Mais encore était-ce avec une extrême réserve, car lorsqu'il la regardait un peu trop franchement, il était sûr de la voir aussitôt troublée et mal à l'aise, confuse et honteuse pour plusieurs heures. Ce n'était donc qu'à la dérobée qu'il pouvait chercher en elle un indice qui fût une lumière, et s'il en trouvait un plus ou moins caractéristique, il ne l'acceptait jamais sans hésitation, parce que ses yeux s'entouraient quelquefois le matin d'un cercle bistré, parce que son regard avait perdu de sa vivacité, parce que sa peau se décolorait, en résultait-il nécessairement qu'il devait croire à une grossesse? Et des raisons toutes simples ne se présentaient-elles pas aussitôt à l'esprit pour expliquer ces changements sans se jeter tout de suite aux extrêmes? Si la grossesse pouvait être possible, était-elle probable? Il eût fallu un médecin pour distinguer les nuances qui se présentaient dans ses observations, et il l'était aussi peu que possible, surtout en cette partie de la médecine. Quand il avait remarqué un indice qui lui paraissait offrir quelques précisions, il interrogeait Ghislaine, mais d'une façon si vague que les réponses qu'il obtenait ne pouvaient guère avoir de sens. Qu'elle ne mangeât pas un repas, il lui demandait si elle avait mal à l'estomac, et quand elle avait répondu négativement, il n'insistait pas. Cependant, n'était-il pas bizarre qu'elle ne voulût jamais de bouillon gras et qu'elle ne bût plus de vin? Ne l'était-il pas qu'elle demandât toujours de la salade et des fruits? Se rappelant qu'une de ses amies avait, au commencement d'une grossesse, souffert de névralgie dentaire, il questionna Ghislaine pour savoir si elle n'avait pas mal aux dents. Mais comme il la vit surprise de son insistance, il se jeta dans des explications qui n'expliquaient rien du tout. Dans un pays humide comme la Hollande, il est naturel d'avoir mal aux dents. Alors j'avais pensé... Mais je n'ai pas mal aux dents, je vous assure. Tant mieux. Sans doute, tant mieux. Mais ce n'était qu'un léger soulagement et un mince sujet d'espérance. Si la grossesse se manifeste quelquefois par des douleurs de dents, ce signe n'est pas constant, et son absence ne signifiait pas qu'il n'avait rien à craindre. Ghislaine ne souffrait pas des dents, voilà tout. Rien ne prouvait qu'un autre symptôme n'éclaterait pas le lendemain, décisif celui-là. Depuis qu'ils étaient à Amsterdam, leur temps se partageait en visites aux musées, aux collections particulières et en promenades aux environs. Brook, Zaandam, Alkmaar, le Helder, ils se faisaient conduire en voiture sur le quai de l'Y, et là ils montaient dans l'un de ces nombreux petits bateaux à vapeur, prêts à partir. Au hasard, ils verraient bien où ils arriveraient. Un jour qu'ils s'étaient ainsi embarqués sur un vapeur sans autre but que de passer entre des rives fraîches et vertes, de chaque côté desquelles s'étalaient d'immenses prairies rayées de canaux, avec çà et là un bouquet d'arbres ou une ferme en briques roses et au grand toit en tuiles noires, ils étaient arrivés à un gros village appelé Monnickendam. Là, M. de Chambray se rappela que c'était l'endroit d'où l'on pouvait le plus facilement partir pour visiter l'île de Marken. Et il proposa cette excursion à Ghislaine, qui accepta avec plaisir. Ce serait sa première promenade sur mer. Le temps était beau, la traversée du détroit ne demandait pas en barque plus d'une heure. C'était charmant. La barque quitta le petit port, et bientôt ils se trouvèrent au milieu d'une mer glauque, laissant derrière eux les clochers de Monnickendam et se dirigeant sur le fanal de Marken, qui, dans une brume légère, se découpait sur un ciel d'un gris tendre. C'était à peine si la légère brise qui soufflait de terre faisait clapoter l'eau. Cependant, Ghislaine ne tarda pas à pâlir et à paraître souffrante. Son regard se troubla. Était-il possible que par ce calme, sur cette mer tranquille, ce fût le mal de mer? Quand, descendus à terre, ils s'assirent sur la digue qui protège l'île contre les vagues, il l'interrogea avec une anxiété qu'il n'avait jamais mise dans ses questions. « Est-ce que maintenant, quelquefois, tu as mal au cœur ?» elle avoua que depuis quelques jours, le matin en s'éveillant, elle avait des nausées. Chapitre 5. D'ordinaire, M. de Chambray était abondant dans ses discours quand il connaissait le pays où il se promenait. Mais bien qu'il fût déjà venu à Marken dans un précédent voyage, ils parcoururent l'île sans une de ces longues explications auxquelles il se plaisait. Ils marchaient lentement sur les étroites levées de terre qui coupent ce sol plat que souvent la mer recouvre, et quand ils arrivaient à un groupe de maisons, toutes de la même forme, ne variant entre elles que par la couleur crue bleue, verte ou noire dont elles étaient peintes, ils s'arrêtaient un moment. Le retour sur la terre ferme et celui en bateau à vapeur à Amsterdam furent aussi silencieux. De temps en temps seulement, M. de Chambray prononçait quelques mots insignifiants, et encore était-ce plutôt pour parler que pour dire quelque chose. Puis il retournait aussitôt à ses réflexions. Il n'y avait plus d'illusions à opposer à l'évidence de ce mal de mer survenant sans raison, et l'aveu des nausées du matin n'était que trop significatif, alors surtout qu'il s'ajoutait aux symptômes déjà observés. Les changements dans la physionomie, les troubles d'estomac, les dégoûts pour certains aliments, c'était bien une grossesse. Cette conclusion qui déjà tant de fois s'était présentée à son esprit ne pouvait plus être repoussée. Les signes étaient désormais certains, et maintenant ils allaient s'accentuer. Les probabilités qu'il n'avait envisagées que pour les rejeter aussitôt étaient devenues la réalité. Une Chambray. Et bien qu'il eût combiné et arrangé longuement ce qu'il aurait à faire dans ce cas, il restait paralysé. Ce n'était plus dans un délai plus ou moins reculé, c'était tout de suite qu'il fallait s'expliquer avec Ghislaine. Depuis leur arrivée à Amsterdam, ils avaient l'habitude d'employer leur soirée à une promenade dans les environs de la ville ou au jardin zoologique lorsqu'on y donnait un concert. Il aimait à s'asseoir à une table dans ce jardin, tout plein de gens qui s'amusaient, et il prenait plaisir à jouir de l'effet que produisait Ghislaine, dont les cheveux noirs, le teint ambré, la finesse et la sveltesse contrastaient avec la beauté pâle et plantureuse des femmes et des jeunes filles du pays qui occupaient les tables voisines. Quand, après le dîner, il entra chez elle, croyant la trouver prête à sortir, elle ne l'était point. « Es-tu plus souffrante ? » demanda-t-il surpris. « Souffrante, non, mais si troublée, si angoissée, qu'avant de sortir, je vous prie de me donner quelques instants. Tu as quelque chose à me demander ? » Elle baissa la voix. « Pourquoi tantôt, sur la digue de Marken, avez-vous insisté afin de savoir si j'avais mal au cœur tous les matins ?»« Ah, tu as remarqué que j'insistais ?» Avec inquiétude et cette insistance rapprochée des questions que vous m'adressez à chaque instant sur ma santé est la preuve que vous craignez quelque chose de grave. Ce quelque chose, devez-vous me le dire ? Au contraire, devez-vous me le cacher ? C'est ce que mon angoisse me pousse à vous demander. » Avant qu'il pût répondre, elle continua. « À chaque instant, je sens votre sollicitude et vos prévenances pour adoucir les douleurs de ma situation. Et si, depuis notre départ de Paris, j'ai pu me laisser distraire, au lieu de rester toujours absorbée dans la même pensée, c'est à cette sollicitude, à votre tendresse que je le dois. Mais enfin, vous ne pouvez pas faire que ce qui est ne soit pas. Peut-être, ce que je vous demande, me l'avez-vous déjà dit, quand vous m'avez expliqué qu'il se pourrait que nous fussions empêchés de revenir à Chambray avant plusieurs mois, et qu'alors nous irions à l'étranger, où nous attendrions. Mais j'étais à ce moment si bouleversée, si peu en état d'entendre et de comprendre, que je ne sais quel sens attacher à ces paroles, qui ne sont peut-être pas les vôtres précisément. Au moins est-ce leur sens ? Pardonnez-moi de vous questionner. Sans doute, je devrais attendre, mais à bout d'anxiété, j'imagine que la vérité, si cruelle qu'elle soit, ne peut pas être pire que le doute. Sans savoir rien, j'imagine tout, et ce tout me jette dans l'affolement. Je vous assure qu'il y a des heures où je me demande si j'ai ma tête. Tu as raison, il faut s'expliquer, et je l'aurais fait déjà, n'était la difficulté avec une chaste fille comme toi de prononcer certaines paroles. elle lui prit la main et l'embrassa. « Sûre de votre appui et de votre affection, je suis peut-être plus forte que vous ne pensez. Ce n'était pas de toi que je doutais, c'était de moi. Tu me montres ce que je dois faire, comme une brave que tu es. Plus désespérée que brave, hélas, mais c'est peut-être dans le désespoir qu'on prend quelquefois le courage. » Ils restèrent quelques instants sans parler. Ghislaine, debout appuyée contre une console, M. de Chambray marchant dans la chambre et s'arrêtant devant l'une des fenêtres ouvertes, comme s'il regardait ce qui se passait sur l'Amstel, dont les rives droites, encaissées de quais, formaient perspective pour l'hôtel, mais en réalité, regardant en lui-même et cherchant comment aborder cet entretien, ce qu'il devait dire pour n'en pas trop dire. « Tu ne t'es pas trompé en pensant que mes questions sur ta santé visaient plus loin que leur présente et que leur intérêt n'était pas seulement immédiat. Elles avaient pour but de tâcher d'apprendre si les craintes dont je t'ai parlé et que tu viens de rappeler ne menaçaient pas de se réaliser. « Elles se réalisent ? » demanda-t-elle anxieusement. Il inclina la tête d'un signe affirmatif. « Elles paraissent se réaliser. » Comme elle attachait sur lui ses yeux éperdus, il baissa les siens. « Fais appel à tout ton courage, ma mignonne, et pardonne-moi de te parler un langage que j'aurais voulu épargner à ta pureté. Nous avons à craindre une grossesse. » Elle ne répondit rien, mais comme il avait détourné la tête pour ne pas ajouter à sa honte en la regardant, il entendit qu'elle était agitée par un tremblement qui secouait la console sur laquelle elle était appuyée. « Je ne dis pas qu'elle soit certaine, » continuait-il avec plus de liberté, car maintenant le mot terrible était lâché. « Mais enfin, tu dois t'habituer à l'idée qu'elle est possible, et même probable, si nous ajoutons foi aux symptômes qui depuis quelque temps se sont manifestés dans ton état. Pour être fixés, nous devrions sans doute consulter un médecin. »« Oh, mais je ne vois pas qu'il soit utile de t'imposer cette nouvelle épreuve, puisque le temps nous fixera lui-même. Nous n'avons qu'à attendre en prenant nos précautions. » Il releva les yeux. Elle était décolorée, chancelante, et de ses doigts crispés, elle se retenait au marbre de la console. Il la prit dans ses bras et la fit asseoir, gardant une de ses mains dans les siennes. « Si grand que soit notre malheur, dit-il vivement, il ne nous trouve pas désarmés. Tu n'es pas une pauvre fille écrasée par le poids de sa faute et abandonnée. De faute, tu n'en as pas commise, et c'est une grande force de pouvoir s'appuyer sur sa conscience. Abandonnée, tu ne l'es pas, puisque tu peux t'appuyer sur ma tendresse. Nous pouvons donc résister. Je vais t'expliquer comment. Le jour où tu m'as raconté ce qui s'est passé, je t'ai dit que peut-être nous serions empêchés de revenir à Chambray avant plusieurs mois, pendant lesquels nous irions à l'étranger, quelque part où nous ne serions pas connus. Je ne pouvais pas, je n'osais pas à ce moment m'expliquer plus clairement, mais ces ménagements de paroles ne sont plus possibles aujourd'hui. C'est pour cacher cette grossesse que nous irons à l'étranger, et ce sera pour cacher aussi la naissance de l'enfant, dont tu le comprends bien, n'est-ce pas, tu ne peux pas être la mère. » Au long regard troublé qu'elle attacha sur lui, il sentit qu'elle ne le comprenait pas, comme il l'avait cru. « Tu admets, n'est-ce pas, reprit-il, que je connais le monde et la vie, et que, dans les circonstances où nous nous trouvons, je dois savoir ce qu'il convient de faire. Oh, sans doute. Eh bien, la vérité est que du jour où tu m'as appelé à ton secours, j'ai attendu le coup qui maintenant s'abat sur nous, et je me suis préparé à le recevoir. Il ne me prend donc pas à l'improviste, et ce que je te dis est réfléchi. Tu peux avoir confiance. Ce n'est pas le doute qui cause ma surprise, c'est l'ignorance. Vous dites que cet enfant dont je serai mère ne peut m'avoir pour mère. C'est là ce que je ne comprends pas. Tu vas comprendre. Le jour où tu seras assez maîtresse de ta volonté, pour ne pas laisser ta physionomie te trahir, nous quitterons la Hollande et nous rentrerons à Chambray. Le plus tôt sera le mieux, mais je ne peux pas te fixer de date. Quand tu te croiras assez forte, tu me le diras, et nous partirons. Nous ne resterons que peu de temps à Chambray, car il importe que nous soyons loin de Paris quand Dunière y reviendra. » Un mouvement échappa à Ghislaine, mais M. de Chambray continua comme s'il ne l'avait pas remarqué. « Le prétexte de ce nouveau voyage sera un goût vif pour l'étude de la peinture qui t'aura prise en Flandre et en Hollande, un besoin de comparer les maîtres de ces pays avec les maîtres italiens. Ce prétexte sera une raison suffisante pour Lady Cappadoce, pour nos parents et pour le monde. Nous partirons donc pour l'Italie. Mais comme en cette saison la chaleur serait dangereuse pour toi, à Venise, à Florence, à Rome, nous ferons un séjour en Suisse d'abord, puis au bord du lac Majeur ou du lac de Côme, là où tu te trouveras le mieux. Quand l'été se calmera, nous descendrons vers le sud, Milan, Venise, Bologne, Ravenne, Florence, Pise, les petites villes de la Toscane, Rome et Naples. Je pense que ces étapes seront bonnes pour ton esprit, qu'elles occuperont et distrairont. Mais alors même qu'elles amèneraient parfois un peu de fatigue et d'ennui, elles devraient avoir lieu quand même, afin que tu puisses en parler à ton retour. C'est une sorte d'alibi que nous nous créons. Quand nous arriverons à Naples, il sera temps que nous ne nous exposions pas à être rencontrés par des personnes de connaissance. Alors nous partirons pour la Sicile, où nous passerons les derniers mois de la grossesse dans un village perdu aux environs de Palerme, à l'abri des indiscrets et assez près de la ville cependant pour avoir à notre disposition un bon médecin. Ce sera ce médecin qui fera la déclaration de l'enfant comme né de père et mère inconnus. Après quelque temps de repos, nous reviendrons à Chambray. « Et lui ?»« Qui ?»« L'enfant, » murmura-t-elle. « Il restera chez la nourrice que nous lui aurons trouvée. » »« Mais c'est l'abandonner. » »« Mais peux-tu, toi, princesse de Chambray, élever un enfant naturel ? Peux-tu rentrer en France en l'ayant à tes côtés ?»« Je comprends ton cri, c'est l'abandonner, mais il y a un autre abandon auquel nous devons penser. C'est celui de ton honneur, celui de l'honneur de notre nom. S'il était possible que tu fusses la mère de cet enfant, » toutes les précautions que nous prenons, toutes les combinaisons que j'arrange, seraient inutiles. Nous resterions simplement en France, et simplement nous confesserions la vérité en livrant le misérable à la justice. Pour être élevé par une nourrice, une bonne nourrice, un enfant n'est pas perdu. Et après, quand il aura atteint un certain âge, il viendra en France et je surveillerai son éducation. Enfin, plus tard, je l'aiderai à entrer dans la vie et lui laisserai par testament ce qui me reste de fortune, car il sera ton fils, c'est-à-dire mon petit-neveu, et je ferai pour lui ce que tu ne pourrais pas faire toi-même. Peut-être dira-t-on, peut-être croira-t-il qu'il est mon fils, mais cela sera sans importance. Je peux, moi, avoir un enfant naturel. Tu vois que j'ai tout prévu, ou à peu près. »